Le scénario, il semble être déjà, on semble être dans du déjà vu sur le continent africain. On parle là de manifestations du côté du Soudan, portées par les égos de deux généraux qui conduisent très souvent à des affrontements et qui finissent par une sorte de sécession. Le scénario a déjà été employé sur le continent africain dans plusieurs pays et de nombreuses fois il a marché. On semble être encore dans ce cas de figure, Ngoutché Béanzin, comment à chaque fois les Africains réussissent à commettre les mêmes erreurs pour continuer à plonger le continent dans le chaos? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous annoncer quelques informations que je viens d'avoir parce que, comme vous avez pu le voir, j'étais dans l'émission, ensuite je me suis déconnecté parce qu'il fallait que j'aille chercher des informations à propos du Soudan. Je ne maîtrise pas vraiment le sujet, je ne suis pas un spécialiste de ce pays, mais j'ai cru voir un peu sur les réseaux que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se situer et qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient pour savoir que telle personne est pour la Russie, telle personne pas pour la Russie, etc. Donc, je suis allé me renseigner directement auprès de quelques officiels russes et la réponse que j'ai eue est très claire. La position de la Russie est celle-ci. Pour la Russie ne prend parti pour aucune des parties. Donc, selon les officiels avec qui j'ai discuté avant de rentrer dans l'émission, ils m'ont fait comprendre que la Russie ne prend aucune partie dans ce conflit qui, selon la Russie, est un conflit interne. Et donc, pour eux, c'est aux Soudanais de dépasser leurs différends, leurs égos, pour régler leurs problèmes. Néanmoins, ils m'ont dit que la Russie se tient prête et peut contribuer à la reprise de dialogue entre les deux camps, si nécessaire, s'ils ont besoin de la Russie, que la Russie est prête à apporter un appui pour le mettre en dialogue en place. Et surtout, qu'ils m'ont dit que la Russie a de bonnes relations avec les deux hommes forts du Soudan, comme ils m'ont dit, et que cela a été démontré récemment par la récente visite du ministre des Affaires étrangères, qui est Lavrov, au Soudan. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que la Russie soutient X ou Y. Voilà la version que moi, les officiels russes m'ont fait comprendre avant de revenir dans l'émission. Donc, je tenais vraiment à le partager directement avec vous. Ensuite, pour ce qui concerne les Africains, votre question, vous savez, moi, j'ai l'impression que les Africains ne retiennent pas suffisamment la leçon. On ne retient pas le passé. J'ai l'impression que on n'arrive plus à dialoguer entre nous, on n'arrive plus à régler nos problèmes par la voie, comment dire, bureaucratique ou dans la paix. À chaque fois, on est obligé de faire crépiter les armes, on est obligé de s'entretuer pour un oui ou pour un non. Et avant de prendre la parole, j'écoutais le monsieur qui était qui analysait, qui parlait, je pense, depuis l'Algérie, il expliquait vraiment les choses. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème d'ego entre deux personnalités, deux personnes qui dirigent le pays, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des Soudanais. Donc, subitement, le fait que une partie se lève et parle, moi, ce qui me dérange surtout, c'est de voir le chef du FSR. Il insiste beaucoup sur le mot démocratie, démocratique, démocratie, etc. Et aujourd'hui, nous savons tous que en Afrique, c'est la démocratie du néocolonialisme. Ce n'est pas la démocratie souveraine, mais c'est la démocratie du néocolonialisme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire confiance à des gens qui brandissent le drapeau, le mot démocratie, démocratie, etc. Sachant que les deux, à la base, sont des alliés. Ce sont des gens qui sont alliés à la base, qui sont frères à la base. Donc, pourquoi subitement l'autre veut renverser l'autre, etc. Et de plus, les informations que moi j'ai pu avoir, il semblerait aussi que, vous savez, les États-Unis, l'Empire américain, vous savez comment les États-Unis aiment, comment dire, diviser, diviser pour mieux régner. Donc, moi, les échos que j'ai pu avoir aussi, il semblerait peut-être que les États-Unis tentent de semer un peu la zizanie entre les deux hommes. Vous voyez, donc peut-être, est-ce que les États-Unis sont en train de promettre aux responsables du FSR qu'il peut devenir président et prendre la tête du pays ou mettre un de ses gars à la tête du pays? Il faut creuser là-dessus aussi. Mais c'est vraiment désolant de voir que les Africains, dès qu'il y a un problème, on est obligé de le régler par les armes. Et tout à l'heure, le monsieur qui intervenait parlait de l'Union africaine. J'avais pris la parole dès le premier jour en expliquant cela, que moi j'ai plutôt l'impression que l'Occident tente de faire une chasse à l'homme aux pays qui sont, comment dire, désignés comme des alliés de la Russie. Parce que depuis le début du conflit en Ukraine, on le sait que le Soudan, à l'ONU, ne vote pas, comment dire, contre la Russie. Au contraire, le Soudan a pris parti directement dans ce conflit. Et donc cela dérange énormément les États-Unis. Et surtout qu'il y a peut-être une base navale de la Russie qui sera installée dans le pays. Donc quand on voit ces facteurs, il y a des raisons que les États-Unis tentent peut-être à semer le chaos. Mais au-delà du rôle joué par les États-Unis, où est l'Union africaine? L'Union africaine, parce que encore une fois, nous sommes là, on observe, comment dire, des frères en train de s'entretuer. L'Union africaine n'est pas là pour ramener la paix, pour convoquer les deux camps, pour trouver une solution et apporter le calme dans le pays. Encore une fois, ce sont nos bourreaux, hein, les Occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis, ceux qui financent les guerres en Afrique, ceux qui partitionnent, qui divisent le continent, ce sont encore eux qui viendront régler ce problème au Soudan. Et c'est encore eux qui viendront dire « Ah non, on demande au calme, on appelle ceci ». Mais l'Union africaine, là-dedans, on n'entend quasiment pas parler de l'Union africaine. C'est comme si on sait déjà que l'Union africaine est une coquille vide, mais on a l'impression que diplomatiquement ou politiquement parlant, l'Union africaine n'a pas de poids, ne peut même pas convoquer des chefs d'État ou apporter la paix dans un pays sans forcément que ce soit encore nos bourreaux qui viennent régler ces problèmes. Et moi, ça me dérange fortement. C'est quelque chose qui me dérange. Je pense que les États africains, vous savez, je le dis depuis le début de ce conflit, que l'unité politique de l'Afrique est une obligation. Si aujourd'hui on veut prendre part au changement qui se déroule dans ce monde, il faut l'unité politique africaine. Sinon, ce n'est pas normal. Ça veut dire que aujourd'hui, regardez le Soudan, ils l'ont déjà coupé en deux, Soudan du Sud, Soudan, etc. On va se réveiller demain, il y aura encore un autre pays dans le même pays. Alors que, mais jusqu'à quand? J'ai l'impression que tous les 5 ans ou 10 ans, il y a un nouveau pays qui sort en Afrique. Tous les 5 ou 10 ans, on crée un nouveau pays sur le continent. Parce que de base, c'était pas 54 États. Mais si on regarde bien, c'est toujours le même projet. Et ils utilisent toujours, comment dire, la même stratégie. Et cela fonctionne à chaque fois. C'est comme si nos dirigeants qui sont à la tête de nos pays, tellement qu'ils n'ont pas de vision, tellement qu'ils n'ont, comment dire, de projet, aucun plan protectionnisme sur le plan du continent, on laisse faire n'importe quoi. Et à chaque fois, ce sont les populations qui sont victimes. Parce que là, dedans, dans ce qui se passe au Soudan, au-delà de parler de ces chefs de guerre qui sont le président et le mec du FSR, il faut quand même penser à la vie des civils. Ces personnes-là qui sont mortes, qui sont des civils, qui n'ont rien demandé, encore une fois, qui sont là, qui tombent sous les balles. Le sang, moi je trouve que assez le sang sur le continent comme ça. Je ne sais pas pourquoi ce continent, c'est le continent où on verse le plus du sang en faisant la guerre. L'Afrique est un continent qui regresse, qui est en retard de 50 ans sur les autres continents. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant parce que on a l'impression que les dirigeants en Afrique, politiquement parlant, diplomatiquement parlant, ne sont pas unis et ils ne pèsent pas et ne peuvent même pas régler un conflit entre Africains. Et encore une fois, ce sont les Américains qui vont envoyer leurs délégations, envoyer leurs diplomates, l'Union européenne, etc., qui vont encore instrumentaliser ce conflit. Mais jusqu'à quand ça va durer comme ça? Vous prenez l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des guerres partout. Il y a des guerres partout. Aujourd'hui, on n'est même plus libre sur le continent. Tu vas au centre, il y a la guerre. Tu vas à l'ouest, il y a la guerre. Un continent magnifique comme ça, et balkanisé par des conflits armés, ce qui fait que le tourisme ne fonctionne pas sur le continent, alors que c'est un continent où normalement, vous voyez, économiquement parlant, mais moi je ne sais plus quoi dire, parce que venir parler, on parle, mais on dort, on se réveille, il y a un nouveau conflit, ça s'entretue, ça sort les armes. Jusqu'à quand nous allons continuer à parler? Moi, si c'est pour continuer à faire l'analyse, parler, ça ne m'intéresse plus. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis silencieux. Je préfère observer, je préfère regarder et peut-être prendre une autre stratégie pour apporter ma pierre à l'édifice, mais peut-être autrement. Parce qu'on parle, mais ceux qui sont à la tête de ces pays, nos dirigeants ne semblent pas nous écouter ou peut-être sont déconnectés totalement de la réalité. Et aujourd'hui, rien ne peut se faire malheureusement sans nos dirigeants. Donc nous, on parle, mais si rien ne change, vous voyez, c'est un peu désolant. Voilà. Merci à vous, Ngouti Béanza. Afrique Média, le monde, c'est nous.